Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet en votre compagnie jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four spéciale George Harrison, la 443e saga des Fab Four. Nous sommes le 26 février 2020. Il y a un jour juste, s'il était encore vivant, il aurait fêté ses 77 ans. Donc bon anniversaire, si on peut dire, à George Harrison. C'est dommage. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Et donc nous allons lui rendre hommage en faisant du 100% Harrison. Harrison de la première à la dernière ligne, 30 chansons de programmées. Harrison en solo, Harrison avec les Beatles, Harrison avec les Traveling Wilburys. Voilà ce qu'il y a au programme. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous donner les chansons et je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four dès maintenant, dans le topic qui est placé tout en haut. Vous avez une belle photo de George Harrison, c'est là que ça se passe. La semaine dernière, nous avons fait quelque chose comme 600 et quelques posts, c'était très très sympa. Ou il y a deux semaines, oh je sais plus, ça, tout passe tellement vite, qu'est-ce que vous voulez. Enfin c'était très bien, c'était très bien. Donc je ne vous dis pas qu'on doit faire la même chose, je vous dis que vous êtes de plus en plus nombreux à être sur le groupe La Saga des Fab Four et vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Il y a les fidèles, bien entendu, et il y a les nouveaux arrivants. Et merci à vous. Vous savez que ben, moi, je fais cette émission depuis 36 ans. J'adore ça. Mais depuis que vous pouvez l'écouter sur Internet, vous pouvez l'écouter depuis Bordeaux sur 90.7, depuis Bordeaux aussi sur www.rigfm.fr, mais n'importe où ailleurs, hors France, en Belgique, en Suisse, au Japon. Ça arrive, il y a quelqu'un qui écoute depuis le Japon, aux États-Unis. Oui, j'ai des amis qui écoutent aux États-Unis, 14h sur la côte Est, quand ils écoutent la saga des Fab Four. J'adore, c'est fantastique de savoir que vous pouvez écouter n'importe quand, y compris en podcast, puisque je fais des podcasts qui sont disponibles sur la saga des Fab Four, les podcasts, sur Facebook. Et donc, tout ça pour vous dire que ben, merci à vous, merci d'être là chaque mercredi, et ben, tant que ça continuera comme ça, j'essaierai de tenir le plus longtemps possible. Place aux cloches. En 1974, Monsieur George Harrison, on va lui rendre hommage avec Ding Dong Ding Dong. The false. George Harrison ne dit pas grand-chose à propos de cette chanson. Il dit « Les mots ding-dong, ding-dong, enfin ding-dong tout court, sont écrits sur le mur de la maison. » C'est de Lord Tennyson. Et aussi, sur le pont de la chanson, les paroles étaient écrites sur le mur, dans le jardin, sur le mur du jardin. « Yesterday, today was tomorrow. Tomorrow, today will be yesterday. » Je ne connais pas son origine. Peut-être que Sir Frank knows. Peut-être que Sir Frank le sait. Il parle de Sir Frankie Crisp. Il en a fait une chanson sur cet album, sur l'album All Things Us Pass, en tout cas. While warning me, I drift away. No memories of the times gone by. The moment that I lose my mind, you come into my heart and say, I'm always here for you to love. Surrender to me, let me stay. you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, they even rose from the start. Pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that you hurt's pain of mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Retour de George Harrison après 5 ans de silence en 1987. Un retour gagnant avec l'album Cloud Nine que l'on peut traduire par 7e ciel en français. Qu'est-ce qu'il écrit à propos de Cloud Nine? Pas grand-chose, une fois de plus, il y a des moments, ça arrive comme ça. Cloud Nine, c'est à propos de tout le monde qui essaie de chercher des trucs bien. Et quelquefois, il y a un petit peu d'amour autour de toi et tu peux l'avoir. Et quelquefois aussi, ben, y a un petit peu de mauvais. Et puis, bon, ben, si jamais ça arrive, moi, je garde ça et je te vois au 7e ciel. Voilà ce qu'il dit au sujet de cette chanson. C'est curieux, mais c'était la façon de penser de George Harrison. Nous sommes sur son dernier album, Brainwashed, The Rising Sun, sur RG. On the street of villains, take him for a ride. You can have the devil as a guide. Crippled by the boundaries, programmed into guilt, till your nervous system starts to tilt. In a room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered and every thought you've had is all inside your files, the good and the bad. But in the rising sun, you can feel your life begin. Universe at play inside your DNA. Day. statistic inside a doctor's case. When I heard the messenger from inner space, he was sending me a signal that for so long I had ignored. But he held on to my umbilical cord. Become alive. And in the rising sun, began to hear the life begin. And it's here and now, nowhere and everywhere. Oh, its atmosphere is rare. Cet album posthume est paru sous le titre, sous l'album de Jules Holland, Rhythm and Blues, la dernière chanson enregistrée par George Harrison entièrement, puisqu'évidemment l'album posthume, il a enregistré les chansons, mais elles n'étaient pas complétées, elles n'étaient pas finies. Il manquait des orchestrations ici ou là, etc. C'est Danny Harrison et Jeff Lynne qui, en gros, ont complété ça. Mais la dernière chanson réellement enregistrée par George Harrison en complet, c'est Horse to the Water en 2001. La voici, cette chanson. Some wisdom.

is not enough to make me feel bright. It's got me suffering in the darkness. They're so easy come by on the roadside from one long lifetime. It's got me deep blue. Stand the watch, tired bodies full of sickness. I'm pained to show you just how helpless you really are when you get down to the truth. It hurts me. It's got me deep blue. Vrai de vrai, écoutez ce qu'en dit George Harrison à propos de cette chanson-là. J'ai écrit Deep Blue durant la préparation de l'album All Things Must Pass. Bizarrement, il n'est apparu qu'en face B du 45 tours Bangladesh et il n'apparaîtra dans aucun autre album. J'avais écrit ça l'année où ma mère était très malade et en train de mourir après être allée plein de fois à l'hôpital encore et encore. Et dans ces hôpitaux, eh bien, on sent cette odeur bizarre, cette atmosphère de destinée. C'est assez bizarre. Et c'était comme ça, en tout cas. Quand tu es debout, là, et que tu vois ces corps fatigués, pleins de maladies, pleins de douleurs, et que tu te rends compte à quel point tu ne peux rien faire parce que tu te rends compte que c'est ça la vérité, ça fait mal, tu es incapable de sauver de soigner ces malades et ça te donne le blues, voilà le blues. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. C'est traduit littéralement de l'anglais, hein, c'est pas facile de faire ça en direct. Voici la première chanson écrite officiellement du temps des Beatles par monsieur George Harrison. She's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when

sujet de cette chanson « Learning How to Love You » en 1976. George dit « Learning How to Love You » était écrite pour Herb Alpert. Je ne connais pas. Il était dans le studio à Los Angeles en train de faire un nouvel album et il m'a demandé si je pouvais lui écrire une chanson. Il avait une belle apparence et même s'il n'utilisait pas souvent sa voix, elle était très belle. La meilleure chose qu'il avait faite, c'était une chanson de Burt Bacharach, ça s'appelait « This Guy's in Love ». Alors j'ai essayé de faire quelque chose et j'ai écrit une chanson avec ses harmonies vocales, quelque chose dans cette idée-là. Et puis finalement, je l'ai enregistrée moi-même. Et merci de l'avoir enregistrée toi-même, Georges, parce qu'elle est très très belle, cette chanson. Voici en 1976, lors d'un Saturday Night Live, George Harrison et Paul Simon. Ils ont d'abord chanté « Here Comes the Sun », il me semble, mais il a également chanté une chanson de Paul Simon. La voici, « Homeward Bound » avec Paul Simon et George Harrison sur RIG. Ce soir, on rend hommage à George Harrison dans la saga des Fab Four. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour, one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I was. Sleeping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, and I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. le génie créatif de George Harrison. On lui rend hommage ce soir dans la saga des Fab Four avec Here Comes the Sun 1969 sur l'album Abbey Road. Un an plus tard, cette chanson qu'il faut écouter avec le son au maximum à en faire trembler les murs des voisins, voici Wawa. Il parlait de la pédale Wawa, pas du cri du chien. Le son au maximum, c'est RIG 90.7, la radio des Beatles. premier à faire un album solo, c'est George Harrison, en 1968. Wonderwall Music, voici un extrait de Wonderwall Music avec Cowboy Music. Et c'est totalement différent de Wawa, comme quoi il avait un registre également très très grand, George Harrison. La réponse est à la fin, il le dit en 1975. quelle belle chanson. En 1975, extrait de ce fameux album qui s'appelle Extra Texture, Read All About It, titre de l'album qu'il avait trouvé sur une boîte de spaghettis, tout simplement. Vous êtes bien sur RIG 90.7, vous l'écoutez également sur www.rigfm.fr. Ce soir, dans la saga des Fab Four, on rend hommage à George Harrison. Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. On the road, looking at the sights. Many others with the troubles, looking for the rights. Beggars in a gold mine. Takes years, another takes you days. George Harrison est sur RIG 90.7. Like snow. chez Christophe Touch aux Îles Vierges. L'air est venu parce que j'écoutais Run of the Mill, qui est une chanson, je le dis entre parenthèses, extrait de l'album All Things Must Pass. Et à la fin de cette chanson, il y a une ligne de cuivre. Et j'écoutais cette mélodie à la guitare. Je jouais cette mélodie à la guitare et c'est devenu Soft Touch. C'est quelque chose de très simple. Les paroles reflètent tout ce qui est se passait sur ces îles-là, le vent. La brise qui souffle tout doucement, les palmiers, la lune qui monte, bref, voilà, c'est Soft Touch et c'est très très bien. Revenons à ce qui est la plus belle chanson des Beatles pour moi, même si mon chouchou, vous le savez, c'est Paul McCartney, la chanson qui est au-dessus de ça. Mais Paul McCartney participe puisqu'il est en voie de soutien. C'est celle-là, en 1968. While My Guitar Gently Weeps. La chanson parfaite. Let's go. Back, back, back. Sens pour montrer la différence en seulement 5 ans. Chains, 1963. While My Guitar Gently Weeps, 1968. C'est impressionnant. Well, they took some honey from a tree, dressed it up in the cold. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Last night. the highway code. Nobody's quite sure what the man to do. Solid state. Nobody's without twin reverb. Everybody's in control of his own fate. Nobody can make it off the curb. Dans les années 70, une version démo de Everybody Nobody sur RIG. Je vous propose de retrouver également une reprise de George Harrison. Il était fort dans les reprises, par exemple Got My Mind Set on You ou alors Baltimore Oriole en 1981. C'est ma chanson préférée de l'album. Back Je vous en avais parlé au début de l'émission. George Harrison, c'était les Beatles, c'était aussi les Traveling Wilburys. En voici un exemple. Handle with Care sur RG. Parler de la première chanson officielle de George Harrison en 1963, Don't Bother Me, mais je n'avais pas mentionné qu'il avait existé un premier instrumental entre George Harrison et John Lennon. C'est la seule chanson d'ailleurs, enfin le seul instrumental co-signé Lennon-Harrison. Voici Cry for a Shadow sur RG. Thank you.

instrumental qui date de la période de Cloud Nine. L'avant-dernière chanson, c'est Inside Out. Et devinez quelle sera la dernière chanson de la saga des Fab Four. Les Traveling Wilburys pour l'instant, Inside Out sur RG. Look out your window. The grass ain't green. It's kinda yellow. See what I mean. Look up your chimney. The sky ain't blue. It's kinda yellow. It's true. À 22h02, il nous faut une chanson de 7 minutes. C'est George Harrison qui va remplir cette tâche avec Isn't It a Pity, un des chefs-d'œuvre de George Harrison. Of pain. ainsi que s'achève ce spécial George Harrison. Bon anniversaire George Harrison. Et à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Je vous laisse entre les mains expertes de Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt, salut.